Extrait du recueil Bric-à-Brac, le curé de Boulogne. Voici une petite histoire qui est populaire dans la marine française et que je meurs d'envie de populariser parmi les terriens. Vous me direz si elle valait la peine d'être racontée. Le 14 novembre de l'année 1766, une calèche découverte, attelée de chevaux de poste, emportant trois officiers de marine, dont l'un était assis sur la banquette du fond et les deux autres sur la banquette de devant, ce qui indiquait une différence notable dans les grades, traversait le bois de Boulogne venant de la barrière de l'Étoile et suivant l'avenue de Saint-Cloud. À la hauteur du château de la Muette, elle croisa un prêtre qui se promenait à petits pas, lisant son bréviaire dans une contre-allée. « Eh, postillon !» cria l'officier, assis au fond de la calèche. « Arrêtez donc un peu, s'il vous plaît !» Le postillon s'arrêta. Cette invitation donnée à haute voix, et le bruit que fit le postillon en arrêtant ses chevaux, amenèrent naturellement le prêtre à lever la tête et à fixer les yeux sur la calèche et les trois voyageurs. « Pardieu, je ne m'y trompais pas !» dit l'officier assis au fond de la voiture. « C'est toi, mon cher ami ?» Le prêtre regardait avec étonnement. Cependant, peu à peu, son visage s'éclairait du jour qui se faisait en lui-même, et sa bouche passait de l'étonnement au sourire. « Ah » dit-il enfin, « c'est vous ? Comment vous ? C'est toi, Antoine ? Oui, c'est moi, Antoine de Bougainville. Mon Dieu, qu'es-tu donc devenu depuis 25 ans que nous nous sommes quittés ?»« Ce que je suis devenu, cher ami, » dit Bougainville, « viens t'asseoir un peu à l'instant près de moi, et je te le dirai. » Mais le prêtre regarda autour de lui avec inquiétude, comme s'il avait peur de s'écarter de son domicile. Bougainville comprit sa crainte. « Sois tranquille, nous irons au pas, » répondit-il. Un valet descendit du siège de derrière et abaissa le marchepied. « C'est qu'il est 11h15, » dit le prêtre, « et Marianne m'attend pour dîner. »« Où demeures-tu d'abord ?»« Mais assieds-toi donc. » Et Bougainville tira légèrement par sa soutane le prêtre qui s'assit. « Où je demeure ?» dit celui-ci. « Oui, à Boulogne. Je suis curé de Boulogne, mon ami. »« Ah ah ! Je t'en fais mon compliment. Tu avais toujours eu la vocation. » Aussi, tu vois, suis-je entré dans les ordres. Et tu es content ? Enchanté, mon ami. La cure de Boulogne n'est pas une cure de premier ordre. Elle ne rapporte que 800 livres. Mais mes goûts sont modestes. Et il me reste encore 400 livres par an à donner aux pauvres. Cher Rémi, pouvez aller au petit trot afin que nous perdions le moins de temps possible. Le postillon fit prendre à ses chevaux l'allure demandée, laquelle, si modérée qu'elle fût, n'en amena pas moins un nuage d'inquiétude sur la physionomie du curé. Mais sois donc tranquille, dit Bougainville. « Puisque nous allons du côté de Boulogne. »« Mon ami, » dit en riant l'abbé Rémy, « il y a 20 ans que je suis curé à Boulogne. Il y a 15 ans que Marianne est avec moi, et jamais, à moins d'être tenu près d'un mourant, je ne suis rentré à 12h05. Aussi, à 12h juste, la soupe est sur la table, et tu comprends. »« Oui, ne crains rien, je ne voudrais pas inquiéter Marianne. »« À 12h juste, tu seras chez toi. » »« Voilà qui me rassure. » »« Mais parlons un peu de toi-même. N'est-ce pas l'uniforme de la marine que tu portes là ?»« Oui, je suis capitaine de vaisseau. » « Comment ça se fait-il ? Je te croyais avocat ? Vraiment ? Dame, en sortant du collège, ne t'étais-tu pas mis à l'étude des lois ? Que veux-tu, mon cher ami ? Toi, l'élu du Seigneur, tu dois mieux que personne connaître le proverbe « L'homme propose et Dieu dispose ». C'est vrai, j'ai été reçu en 1752 avocat au Parlement de Paris. « Ah, je savais bien, moi, » dit le bon prêtre, en tirant de son bréviaire son doigt qui indiquait la place où il en était resté de sa lecture. Ainsi, tu as été reçu avocat. Oui, mais en même temps que j'étais reçu avocat, continua Bougainville, je me faisais inscrire aux mousquetaires. Oh, en effet, tu as toujours eu du goût pour les armes, et surtout des dispositions pour les mathématiques. Tu te rappelles cela ? Tiens, par exemple, n'étais-je pas ton meilleur ami au collège ? Ah, c'est bien vrai. Est-ce toi ou ton frère Louis qui est de l'académie ? Bougainville sourit. C'est mon frère, dit-il. Ou plutôt, c'était mon frère. Car il faut que tu saches que j'ai eu le malheur de le perdre, il y a 3 ans. « Ah, pauvre Louis. Mais que veux-tu ? Nous sommes tous mortels, et il fait bon de regarder cette vie que comme un voyage qui nous mène au port. »« Pardon, mon ami, il me semble que nous passons Boulogne. » Bougainville regarda sa montre. « Bah, dit-il, qu'importe, il n'est que 11h30, et par conséquent, tu as encore 20 bonnes minutes devant toi. »« Plus vite, postillon. »« Comment plus vite ? Puisque tu y es pressé, mon ami. » Bougainville, quoi, le désir de savoir ce que je suis devenu ne l'emporte pas en toi sur la crainte d'inquiéter Marianne par un retard de 5 minutes. Oh, le triste ami que j'ai là. Tu as raison, ma foi, 5 minutes de plus ou de moins. Raconte-moi cela, mon cher Antoine. D'ailleurs, quand je dirai à Marianne que c'est pour toi et par toi que je suis en retard, elle ne grondera plus. Marianne me connaît donc? Si elle te connaît, je le crois bien. 20 fois je lui ai parlé de toi. Mais voyons, dépêche-toi. Et achève de me dire comment il se fait que, ayant été reçu avocat, t'étant fait inscrire dans les mousquetaires, je te retrouve officier de marine. C'est bien simple, et en 2 mots, je vais t'expliquer tout cela. En 1753, j'entrai comme aide-major dans le bataillon provincial de Picardie. L'année suivante, je fus nommé aide-de-camp de Chevert, que je quittai pour devenir secrétaire d'ambassade à Londres et me faire recevoir membre de la Société royale. En 1756, je partis comme capitaine de dragons avec le marquis de Montcalm, chargé de défendre le Canada. Bon, bon, bon, interrompit l'abbé Rémy, je te vois venir. Continue, mon ami, continue, je t'écoute. Complètement captivé par le récit de Bougainville, l'abbé n'avait pas remarqué que les chevaux étaient passés tout doucement du petit trot au grand trot. Bougainville continua. Une fois au Canada, j'étais presque maître dans l'avenir, je n'avais qu'à bien faire pour arriver à tout. Je fus chargé par le marquis de Montcalm de plusieurs expéditions que je menais à bonne fin. Ainsi, par exemple, après une marche de 60 lieues à travers des bois que l'on jugeait impénétrables, et tantôt sur un terrain couvert de neige, tantôt sur les glaces de la rivière de Richelieu, je m'avançai jusqu'au fond du lac du Saint-Sacrement, où j'eus brûlé une flottille anglaise sous le fort même qui la protégeait. Comment, dit l'abbé, c'est toi qui as fait cela? Oh, j'ai lu la relation de cet événement, mais je ne savais pas que tu en fusses le héros. N'as-tu pas reconnu mon nom? J'ai reconnu le nom, mais je n'ai pas reconnu l'homme. Comment veux-tu que je te reconnaisse, dans un basochien que je quitte étudiant les lois et aspirant à être avocat au Parlement, un gaillard qui brûle des flottes au fond du Canada? Tu comprends bien que ce n'était pas possible. En ce moment, la voiture s'arrêta devant une maison de poste. Oh, dit l'abbé Rémy, où sommes-nous, Antoine? Nous sommes à Sèvres, mon ami. À Sèvres? Et quelle heure est-il? Bougainville regarda sa montre. Il est 9h10. Oh mon Dieu, s'écria l'abbé, mais jamais je ne serai à Bologne pour midi. C'est plus que probable. 1 lieue à faire, 1 lieue et demie. Si au moins je trouvais un coucou. L'abbé se leva tout droit dans la voiture, porta ses regards autour de lui, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, et n'aperçut pas le plus mince véhicule. N'importe, j'irai à pied. Mais non, tu n'iras pas à pied, dit Bougainville. Comment je n'irai pas à pied? Non, il ne sera pas dit que tu auras attrapé une pleurésie pour avoir fait la conduite à un ami. J'irai doucement. Oh, je te connais. Tu craindras d'être grondé par Mademoiselle Marianne. Tu presseras le pas, tu arriveras en sueur, tu boiras froid, tu te donneras une fluxion de poitrine. Un imbécile de médecin te purgera au lieu de te saigner, ou te saignera au lieu de te purger, et 3 jours après, bonsoir, plus d'abbé Rémy. Il faut pourtant que je retourne à Boulogne. Hé, postillon, postillon, arrêtez, arrêtez donc. La voiture, relayée, repartait au trot. Écoute, dit Bougainville, voici ce qu'il y a de mieux à faire. Ce qu'il y a de mieux à faire, mon bon ami, mon cher Antoine, c'est d'arrêter les chevaux, afin que je descende et que je regagne Boulogne. Mais non, dit Bougainville, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de venir avec moi jusqu'à Versailles. Jusqu'à Versailles? Oui, puisque tu as manqué le dîner de Mademoiselle Marianne, tu dîneras avec moi à Versailles, pendant que j'irai prendre les derniers ordres de Sa Majesté. Un de ces messieurs se chargera de trouver un coucou qui te ramènera à Boulogne. En vérité, mon ami, ce serait avec grand plaisir, mais quoi? L'abbé Rémy tâta les poches de sa veste, plongea alternativement les 2 mains jusqu'au fond de ses goussets. Mais continua-t-il, Marianne n'a pas mis d'argent dans mes poches. Qu'à cela ne tienne, mon cher Rémy. À Versailles, je demanderai au roi 100 écus pour les pauvres de Boulogne. Le roi me les accordera. Je te les donnerai. Tu leur emprunteras un petit écu afin de retourner en coucou à Boulogne. Et tout sera dit. Comment, tu crois que le roi te donnera 100 écus pour mes pauvres? J'en suis sûr. Parole d'honneur? Foi de gentilhomme. Mon ami, voilà qui me décide. Merci. Tu ne serais pas venu pour moi, et tu viens pour tes pauvres. Mais vaut à ce qu'il paraît être ton pauvre que ton ami. Je ne dis pas cela, mon cher Antoine, mais tu comprends, un curé qui se dérange, il lui faut une excuse. Une excuse? Oh, si tu découchais, je ne dis pas. Comment, si je découchais? S'écria l'abbé Rémy, effrayé. Aurais-tu donc l'intention de me faire découcher? Postillon, hé, postillon! Mais non, n'aie donc pas peur. Au train dont nous allons, nous serons à Versailles à 1 heure. Nous aurons dîné à 2. Tu pourras partir à 3. Pourquoi à 3 et pas à 2? Mais parce qu'il me faut le temps de voir le roi et de lui demander les 100 écus. Ah, c'est vrai. 3 heures pour revenir en coucou à Versailles, tu seras chez toi à 6 heures. Que dire à Marianne? Bon, quand Marianne te verra revenir avec 100 écus émanant directement du roi, Marianne sera heureuse et fière de ton influence. Tu as ma foi raison. Tu me raconteras tout ce que le roi t'aura dit. Comment? Tu crois que le roi te donnera 100 écus pour mes pauvres? Elle en aura pour 8 jours avec ses voisines à parler de cette aventure. Ainsi, c'est convenu. Nous dînons à Versailles. Va pour Versailles. Mais au moins dis-moi la fin de ton histoire. Ah, c'est vrai. Nous en étions à mon expédition sur le Saint-Sacrement. Elle me valut le grade de maréchal des logis de l'un des corps d'armée et la mission d'aller à Versailles, expliquer la situation précaire du gouverneur du Canada et demander pour lui du renfort. Je restai 2 ans et demi en France sans rien obtenir de ce que je demandais. Il est vrai que j'obtins ce que je ne demandais pas, c'est-à-dire la croix Saint-Louis et le grade de colonel à la suite du régiment de Rouergue. J'arrive au Canada juste pour recevoir du marquis de Montcalm le commandement des grenadiers et des volontaires dans la fameuse retraite du Québec, que je fus chargé de couvrir. Arrivé sous les murs de la ville, Montcalm crut pouvoir risquer une bataille. Les deux généraux furent tués. Montcalm en orang, Wolfe dans ceux des Anglais. Montcalm mort, notre armée battue, il n'y avait plus moyen de défendre le Canada. Je revins en France et je fis, en qualité d'aide-de-camp de M. de Choiseul-Staville, la campagne de 1761 en Allemagne. Mais alors, c'est donc à toi, interrompit le curé de Boulogne, que le roi a fait cadeau de 2 canons? Qui t'a appris cela? Mais je l'ai lu, mon ami, dans la gazette de la cour. Aurais-je pu penser que ce bougainville-là était mon ami Antoine? Et qu'as-tu dit du cadeau? Dame, il m'a paru bien mérité. Et pourtant, j'ai trouvé que le roi aurait pu donner à ce monsieur Bougainville, que j'étais si loin de me douter être toi, quelque chose de plus facile à transporter que 2 canons. Car enfin, c'est très honorable, 2 canons. Mais on ne peut pas conduire cela partout où l'on va. Il y a du vrai dans ce que tu dis là, reprit Bougainville en riant. Mais comme en même temps le roi venait de me nommer capitaine de vaisseau et de me charger de fonder pour les habitants de Saint-Malo et aussi pour moi-même un établissement dans les îles Malouines, je pensais que mes 2 canons pourraient avoir là leur utilité. Ah, cela c'est vrai, dit l'abbé Rémy. Mais excuse mon ignorance en géographie, mon cher Antoine. Où prends-tu les îles Malouines? Pardon, mon ami, dit Bougainville. J'aurais dû les appeler les îles Falkland, attendu que c'est moi qui leur ai donné ce nom d'îles Malouines, en l'honneur de la ville de Saint-Malo. Ah, à la bonne heure, dit l'abbé Rémy en souriant. Sous ce nom-là, je les connais. Je les reconnais. Les îles Falkland appartiennent à l'archipel de l'océan Atlantique. Je les vois d'ici, près de la pointe méridionale de l'Amérique du Sud, à l'est du détroit de Magellan. Par ma foi, dit Bougainville, Strong, qui les a baptisés, n'aurait pas mieux déterminé leur gisement. Tu t'occupes donc de géographie dans ta cure de Boulogne? Oh, mon ami, étant jeune, j'avais toujours ambitionné une mission dans les Indes. J'étais né voyageur, moi. Et je ne sais pas ce que j'aurais donné pour faire le tour du monde. Autrefois, pas maintenant. Oui, je comprends, dit Bougainville, en échangeant d'un coup d'œil avec ses 2 compagnons. Aujourd'hui, cela te dérangerait de tes habitudes. Alors, tu as voyagé? Mon ami, je n'ai jamais dépassé Versailles. Ainsi, tu ne connais pas la mer? Non. Tu n'as jamais vu un vaisseau? J'ai vu le coche d'Auxerre. C'est quelque chose. Mais cela ne peut te donner qu'une idée très imparfaite d'une frégate de 60 canons. Je le crois comme toi, ajouta naïvement l'abbé Rémy. Et tu dis donc que tu partis pour les îles Malouines, où le gouvernement t'avait autorisé à fonder un établissement que tu fondas, je n'en doute pas. En effet. Malheureusement, les Espagnols, après la paix de Paris, firent valoir leurs droits sur ces îles. Leur réclamation parut juste à la cour de France, qui les leur rendit, à la condition qu'ils m'indemniseraient les frais que j'avais faits. Et t'ont-ils indemnisé au moins? Oui, mon cher ami, ils m'ont donné 1 million. 1 million? Peste! Joli denier! Le bon abbé avait presque juré, comme on voit. Et aujourd'hui, continua-t-il, tu vas? Je vais au Havre. Pourquoi faire? Mais, pardon, mon ami, peut-être suis-je indiscret. Indiscret? Ah, par exemple, Je vais au Havre pour visiter une frégate dont le roi vient de me nommer capitaine. Et elle s'appelle la frégate La Boudeuse. Ça doit être un beau bâtiment. Superbe. L'abbé Rémy poussa un soupir. Il était évident que le pauvre prêtre pensait au plaisir qu'il eût éprouvé, du temps qu'il était libre, à voir la mer et à visiter une frégate. Ce soupir amena entre Bougainville et deux officiers un nouvel échange de regards accompagné d'un sourire. Sourire et regard passèrent inaperçus du digne abbé Rémy, qui était tombé dans une si profonde rêverie qu'il ne revint à lui que lorsque la voiture s'arrêta devant un grand hôtel. « Ah, il paraît que nous sommes arrivés, dit-il. J'ai très faim. Eh bien, nous n'attendrons pas, car le dîner doit être commandé d'avance. » L'agréable vie que celle de capitaine de vaisseau, dit l'abbé. On reçoit des millions d'Espagnols, on court la poste dans une bonne calèche, et quand on arrive, on trouve un dîner qui vous attend. Pauvre Marianne, elle a dîné sans moi, elle. Bah, dit Bougainville, une fois n'est pas coutume. Nous allons dîner sans elle, nous. Et j'espère que son absence ne t'ôtera pas l'appétit. Oh, sois tranquille, c'est que j'ai véritablement très faim. Eh bien alors, à table, à table. À table, répéta gaillardement l'abbé Rémy. Le dîner était bon. Bougainville était un gourmet. Il ne buvait que du vin de champagne. La mode venait d'être inventée de le glacer. Tout curé, fût-ce le curé d'une bourgade ou d'un hameau, fût-ce le desservant d'une chapelle sans paroissien, est aussi un tant soit peu gourmet. L'abbé Rémy, si modeste qu'il était, avait ce côté sensuel dont la nature a doté le palais des hommes d'église. Il voulut d'abord ne boire que quelques gouttes de vin dans son eau. Puis il mélangea le vin et l'eau en parties égales. Puis, enfin, il se décida à boire son vin pur. Quand Bougainville le vit arriver à ce point, il se leva, annonçant que l'heure était venue pour lui de se présenter chez le roi, auquel il allait adresser la requête relative aux pauvres de Boulogne. Les deux officiers devaient, pendant ce temps, tenir compagnie à l'abbé Rémy. Comme il avait dit, Bougainville fut absent une heure. Malgré les instances des officiers, le digne prêtre s'était tenu dans un état d'équilibre qui faisait honneur à sa volonté. « Eh bien, dit-il en apercevant Bougainville, et mes pauvres ?»« Ce n'est pas 300 livres que le roi m'a donné pour eux, dit Bougainville en tirant un rouleau de sa poche. « C'est 50 louis. »« Comment 50 louis ?» s'écria l'abbé Rémy, tout ébouriffé de la largesse royale. « 1200 livres ?»« 1200 livres. » Impossible. Les voici. L'abbé Rémy tendit la main. Mais le roi me les a remises à une condition. Laquelle? C'est que tu boiras à sa santé. Oh, qu'à cela ne tienne. Et il présenta son verre sur le bord duquel Bougainville inclina le goulot de la bouteille. Assez, assez, dit l'abbé. Allons donc, reprit Bougainville. Un demi-verre? Eh bien, le roi serait content s'il voyait boire à sa santé dans un verre à moitié vide. Le fait est, dit gaiement l'abbé Rémy, que 1200 livres, cela vaut bien un verre entier. Verse ton plein, Antoine, et à la santé du roi. À la santé du roi, répéta Bougainville. Ah, dit l'abbé Rémy, en posant son verre sur la table, voilà ce qui s'appelle une véritable orgie. Et il est vrai que c'est la première fois que je fais, et que de longtemps, je n'aurai pas l'occasion d'en faire une seconde. C'est une chose, dit Bougainville, en posant ses coudes sur la table. « Non, répondit l'abbé Rémy, dont les yeux brillaient comme des escarboucles. Une chose que tu devrais faire. Laquelle ? Tu m'as dit que tu n'avais jamais vu la mer. Jamais. Eh bien, tu devrais venir au Havre avec moi. Moi ? Au Havre avec toi ? Mais tu n'y songes pas, Antoine. Au contraire, je ne songe qu'à cela, un verre de vin de champagne. Merci, je n'ai déjà que trop bu. Ah, à la santé de tes pauvres. C'est un toast que tu ne saurais refuser. Oui, mais une goutte. Une goutte? Quand tu as bu le verre plein pour le roi? Ah, ce n'est pas évangélique, mon cher ami. Notre Seigneur a dit, les premiers seront les derniers. Un verre plein pour les pauvres de Boulogne, ou pas du tout? Va donc pour le verre plein. Mais c'est le dernier. Et l'abbé, bon catholique, vida aussi gaillardement son verre à la santé des pauvres qu'il l'avait vidé à la santé du roi. Là, dit Bougainville, et maintenant c'est dit, nous partons pour le Havre. Antoine, tu es fou, Tu verras la mer, mon ami. Et quelle mer ! Pas un lac, comme cette pauvre Méditerranée. L'océan qui enveloppe le monde. Ne me tente pas, malheureux. L'océan que tu avoues toi-même avoir eu envie de voir toute ta vie. Va dire rétro, Satanas, c'est l'affaire de 8 jours. Mais tu ne sais donc pas que si je m'absentais 8 jours sans congé, je perdrais ma cure ? J'ai prévu le cas. Et comme Monseigneur l'évêque de Versailles était chez le roi, je lui ai fait signer ta permission, en lui disant que tu venais avec moi. Tu lui as dit cela ? Oui. Et il a signé ma permission ? La voici. C'est parbleu bien sa signature. Bon, voilà que je jure, moi. Mon ami, tu es marin dans l'âme. Donne-moi mes 50 louis et laisse-moi m'en aller. Voilà les 50 louis. Mais tu ne t'en iras pas. Pourquoi cela ? Parce que je suis autorisé par le roi à t'en remettre 50 autres au Havre et que tu ne seras pas assez mauvais chrétien pour priver les pauvres, c'est-à-dire tes enfants, ton troupeau, ceux dont le Seigneur t'a donné la garde, de 50 beaux louis d'or. Eh bien, s'écria l'abbé Rémy, va pour le voyage du Havre. Mais c'est uniquement pour eux que j'y consens. Puis, s'arrêtant tout d'un coup, mais non, dit-il avec explosion, c'est impossible. Comment impossible ? Et Marianne ? Tu vas lui écrire qu'elle ne soit pas inquiète. Que lui dirai-je, mon ami ? Tu lui diras que tu as rencontré l'évêque de Versailles et qu'il t'a donné une mission pour le Havre. Ce sera mentir, cela. Mentir pour un beau motif n'est pas péché, c'est vertu. Elle ne me croira pas. Tu lui montreras ta permission signée de l'évêque. Tiens, c'est vrai. Ah, ces avocats, ces militaires, ces marins, ils ont réponse à tout. Voyons, veux-tu une plume, de l'encre et du papier ? L'abbé Rémy réfléchit un instant et sans doute se dit-il qu'un mensonge écrit était un plus gros péché qu'un mensonge de vive voix. Car tout à coup, non, dit-il, j'aime mieux lui conter cela à mon retour. Mais elle me croira mort. Elle n'en sera que plus joyeuse de te revoir vivant. Alors mon ami, ne me laisse pas le temps de la réflexion. Enlève-moi. Rien de plus facile. Puis se tournant vers les deux officiers. Les chevaux sont attelés, n'est-ce pas ? Oui, capitaine. Eh bien, en voiture, alors. En voiture, répéta l'abbé Rémy, comme un homme qui se jette tête baissée dans un péril inconnu. En voiture, répétèrent gaiement les deux officiers. On monta en voiture. On courut la poste toute la nuit. Le lendemain, à 5 heures du matin, on était au Havre. Bougainville choisit lui-même la chambre que devait occuper son ami, lequel, fatigué de la route et un peu alourdi encore du dîner de la veille, s'endormit et ne se réveilla qu'à midi. Juste comme il se réveillait, Bougainville entra dans sa chambre et ouvrit les fenêtres. L'abbé jeta un cri de surprise et d'admiration. Les fenêtres donnaient sur la mer. À un quart de lieue en rade se balançait gracieusement la boudeuse, affourchée sur ses ancres. Oh ! Demanda l'abbé Rémy, qu'est-ce que ce magnifique bâtiment ? Mon ami, dit Bougainville, c'est la boudeuse. Nous sommes attendus pour dîner. Comment ? Tu veux que je m'embarque ? Bon, tu serais venu au Havre et tu t'en retournerais sans avoir visité un bâtiment. Mais cher ami, c'est comme si tu allais à Rome sans voir le pape. C'est vrai, dit l'abbé Rémy. Mais quand revenons-nous ? Cela te regarde. Après dîner, quand tu voudras, tu donneras tes ordres. C'est toi qui seras capitaine à mon bord. Eh bien, partons plus tôt que plus tard. Nous avons mis 14 heures pour venir, mais je mettrai bien 5 ou 6 jours pour m'en aller. Que t'importe, puisque tu as permission pour une semaine. Je sais bien, mais vois-tu, c'est Marianne. Te figures-tu les cris de joie qu'elle poussera en te revoyant ? Tu crois que ce seront les cris de joie ? Mon Dieu, je l'espère bien. Moi aussi, je l'espère, dit l'abbé d'un air qui prouvait qu'il y avait dans son esprit plus de doute que d'espérance. Puis, un homme qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins. « Allons, allons, dit-il, à la frégate. » Bougainville semblait être servi par des génies, et ces génies semblaient obéir à l'abbé Rémy. De même que, lorsque celui-ci avait crié « au Havre », il avait trouvé la calèche tout attelée. De même en criant « à la frégate », il trouva l'aïeule du capitaine toute parée. Il descendit dans la barque, s'assit près de Bougainville, qui prit le gouvernail. 12 matelots attendaient, les rames levées. Bougainville fit un signe. Les 12 rames retombèrent, battant l'eau d'un mouvement si égal qu'elles ne frappèrent qu'un seul coup. L'aïeul volait sur la mer, comme ces araignées des eaux qui glissent sur leurs longues pattes. Et, en moins de 10 minutes, on était à bord. Il va sans dire que cette merveille maritime qu'on appelle une frégate éveilla au plus haut degré l'enthousiasme du bon ami Rémy. Il demanda à Bougainville le nom de chaque mât, de chaque vergue, de chaque agrès. Des voiles, il n'en était pas question. Tout était cargué. Au milieu de la nomenclature des différentes pièces qui composent un bâtiment, on vint prévenir le capitaine qu'il était servi. L'abbé et lui descendirent dans la salle à manger. La salle à manger pouvait le disputer en commodité et en élégance à celle du plus riche château des environs de Paris. L'abbé marchait d'étonnement en étonnement. Par bonheur, quoiqu'on fût au 15 novembre, la mer était magnifique. Il faisait une de ces belles journées d'automne qui semblent un adieu envoyé à la terre par ce soleil d'été que l'on ne reverra que dans 6 mois. L'abbé Rémy n'avait pas le moindre mal de mer, ce qui lui valut les félicitations des officiers supérieurs, admis à la table du capitaine, et celles du capitaine lui-même. Cependant, vers le milieu du dîner, il lui sembla que le mouvement de la frégate augmentait. Bougainville répondit que c'était le reflux, et se livra à l'exposé d'une savante théorie sur les marées. L'abbé Rémy écouta avec la plus grande attention et le plus vif plaisir la dissertation scientifique de son ami, et comme il n'était pas étranger aux sciences physiques, il fit de son côté des observations qui parurent ravir en admiration les officiers. Le dîner se prolongea plus longtemps que les convives ne le croyaient eux-mêmes. Rien ne trompe sur la durée des heures comme une conversation intéressante arrosée de bon vin. Puis arriva le café, ce doux nectar pour lequel l'abbé Rémy avouait sa prédilection. Celui du capitaine Bougainville offrait un si savant et si heureux mélange de mocha et de martinique qu'en le sirotant à petites gorgées, l'abbé Rémy déclara n'en avoir jamais pris de pareil. Puis, après le café, vers les liqueurs, ces fameuses liqueurs de Madame Enfou, qui faisaient les délices des gourmets de la fin du siècle dernier. Enfin, les liqueurs savourées, l'abbé Rémy proposa de remonter sur le pont. Bougainville ne fit aucune opposition à ce désir. Seulement, il fut obligé, dans l'escalier, de donner le bras à son ami, lequel attribuait naïvement son défaut d'équilibre au vin de champagne, au café mocha et au liqueur de Madame Enfou. La frégate marchait bâbord à mur, le cap au nord-nord-ouest, ayant le vent grand large, toute voile dehors, des bonnettes basses aux bonnettes de perroquet. Il n'y avait pas jusqu'aux voiles d'été qui ne fussent déployées. On pouvait filer 11 nœuds à l'heure. Le premier sentiment du bon abbé fut tout à l'admiration que lui causait ce chef-d'œuvre d'architecture maritime endimanché de toutes ses voiles. Puis il s'aperçut que la frégate marchait. Puis il regarda autour de lui. Puis il poussa un cri de terreur. La terre de France n'apparaissait plus que comme nuage à l'horizon. Il regarda Bougainville d'un air qui contenait toute la gamme des reproches que peut faire à un ami la confiance trompée. « Mon cher, lui dit Bougainville, j'ai eu tant de bonheur à te revoir, toi, mon plus ancien et mon plus cher camarade, que j'ai résolu que nous ne nous quitterions que le plus tard possible. » Il me fallait un aumônier à bord de ma frégate. J'ai demandé pour toi cette place à Sa Majesté, qui t'a fait la grâce de te l'accorder avec 1000 écus d'appointement. Voici ton diplôme. » L'abbé Rémy jeta un regard effaré sur sa nomination. « Mais, dit-il, où allons-nous ? » ?»« Faire le tour du monde, mon cher. » »« Et combien de temps cela peut-il demander de faire le tour du monde ?»« Oh, de 3 ans à 3 ans et demi, tout au plus. » Mais compte plutôt 3 ans et demi que 3 ans. » L'abbé se laissa tomber anéanti sur le banc de car. « Oh » murmura-t-il, « je n'oserai jamais me représenter devant Marianne. Je te promets de te reconduire jusqu'au presbytère et de faire taper avec elle, » dit Bougainville. Le 15 mai 1770, la frégate La Boudeuse rentrait dans le port de Saint-Malo. Il y avait juste 3 ans et demi qu'elle avait quitté le Havre. Bougainville ne s'était pas trompé d'un jour. Dans l'intervalle, elle avait fait le tour du monde. Dieu seul sait ce qui se passa dans la première entrevue qui eut lieu entre l'abbé Rémy et Marianne. Un fait personnel. Parlons d'une lettre de moi qui a fait beaucoup plus de bruit que je ne désirais qu'elle en fît, et surtout qu'elle était appelée à en faire. Un jour, un de mes amis vint me dire, tout indigné, que mademoiselle Augustine Brouhan, correspondante du Figaro, sous le nom de Suzanne, venait, sinon d'insulter, du moins d'attaquer Victor Hugo. Je voudrais qu'une fois pour toutes, on comprît bien le triple sentiment qui m'attache à Victor Hugo. Je le connais depuis la soirée de Henri III, c'est-à-dire depuis le 11 février 1828. Depuis ce jour, il est mon ami. Depuis longtemps, j'étais son admirateur. Je le suis toujours. Seulement, aujourd'hui, à ces deux sentiments s'en joint un troisième, pour lequel je cherche inutilement un nom. C'est au cœur de le comprendre. Mais la langue ne peut l'exprimer. Victor Hugo est proscrit. Qu'éprouve de plus pour un homme proscrit celui qui déjà l'aime et l'admire? Quelque chose comme une religion. Eh bien, c'était contre cette religion que, à mon avis, venait d'être commis un acte qui ressemblait à un sacrilège, surtout de la part d'une artiste dramatique, surtout de la part d'une actrice qui a joué dans les pièces de Hugo, surtout de la part d'une femme. Le coup qui ne pouvait atteindre Hugo me frappa profondément. Je pris la plume et, sans intention aucune de publicité, j'écrivis à monsieur le directeur du Théâtre Français la lettre suivante. « Monsieur, j'apprends que le courrier du Figaro, signé Suzanne, est de mademoiselle Augustine Brouhan. J'ai pour monsieur Victor Hugo une telle amitié et une telle admiration que je désire que la personne qui l'attaque au fond de son exil ne joue plus dans mes pièces. Je vous serai en conséquence obligé de retirer du répertoire Mademoiselle de Belle-Île et les Demoiselles de Saint-Cyr si vous n'aimez mieux distribuer à qui vous voudrez les deux rôles qu'y joue Mademoiselle Brouhan. Veuillez agréer, etc. Alexandre Dumas. Je savais parfaitement que je n'avais pas le droit de retirer mes pièces du répertoire. Je savais parfaitement que je n'avais pas le droit de retirer mes rôles à Mademoiselle Brouhan. Je protestais, voilà tout. Si j'eusse eu le droit de retirer pièces ou rôles, je les eusse retirés par huissier et n'eusse point écrit au directeur. Je crus, en effet, un instant, que l'on avait accédé à ma prière. On joua la demoiselle de Saint-Cyr et Mademoiselle Fix avait repris le rôle de Mademoiselle Brouhan. Mais on joue à Mademoiselle de Belle-Île et Mademoiselle Brouhan avait conservé son rôle. C'est alors seulement que je crus que ma lettre devait être publiée et que je la publiais. Cette lettre fit un effet auquel j'étais loin de m'attendre. Je n'y avais vu qu'un acte d'amitié. On y vit un acte, à peine oserais-je le dire, un acte de courage. Du courage, bon Dieu, on est courageux à bon marché par les temps qui courent. La lettre eut un écho rapide dans un grand nombre de cœurs. Je reçus 50 cartes, je reçus 20 lettres. Je me contenterai de citer 3 de ces lettres. Monsieur Alexandre Dumas, ce sont d'obscurs citoyens, inconnus de vous, inconnus de Monsieur Victor Hugo, qui, au nom de la gloire et de l'infortune, insultés par une femme, viennent, dans toute l'effusion de leur cœur, vous remercier de votre noble lettre à Monsieur Empis. Général Travoyot, Auguste Ollier, Salvador Dair, J. Godard. Cher Dumas, du fond de notre Chartreuse où votre souvenir est vivant, comme partout où nous vivons, je vous embrasse avec la plus vive tendresse, un élan de sœur qui vous remercie de vous ressembler toujours, fidèle ami du malheur. Pauline a bondi pour m'apprendre cette sublime et simple protestation qui soude ensemble les deux plus grands cœurs du monde et nos deux plus chères gloires. La sienne s'appelle souffrance et la vôtre bonté. Merci pour nous tous de la part du bon Dieu. Marceline. Note Madame Desbordes Valmer. Cher Dumas, les journaux belges m'apportent avec tous les commentaires glorieux que vous méritez la lettre que vous venez d'écrire au directeur du Théâtre Français. Les grands cœurs sont comme les grands astres, ils ont leur lumière et leur chaleur en eux. Vous n'avez donc pas besoin de louanges, vous n'avez donc pas même besoin de remerciements. Mais j'ai besoin de vous dire, moi, que je vous aime tous les jours davantage. non seulement parce que vous êtes un des éblouissements de mon siècle, mais aussi parce que vous êtes une de ses consolations. Je vous remercie. Mais venez donc à Guernsey. Vous me l'avez promis, vous savez. Venez y chercher le serment de main de tous ceux qui m'entourent et qui ne se presseront pas moins filialement autour de vous qu'autour de moi. Votre frère, Victor Hugo. N'est-ce pas trop, en vérité, de trois lettres pareilles en récompense d'avoir accompli un simple devoir, cédé à un premier mouvement de cœur ? Ah, monsieur de Talleyrand, vous avez proféré un grand blasphème quand vous avez dit « Ne cédez pas votre premier mouvement, car c'est le bon. » Mais comme vous êtes enlevé une grande joie en le mettant en pratique, j'espère que Dieu ne vous a pas imposé d'autres punitions en l'autre monde que celle que vous étiez faite à vous-même en celui-ci. Le cœur de désapprobation qui s'était élevé contre Mademoiselle Augustine Brouhan était tel qu'elle crut devoir me répondre. Un matin, on m'apporta le constitutionnel et j'ai lu cette lettre. Monsieur le rédacteur, j'ai lu dans l'Indépendance belge une lettre par laquelle M. Alexandre Dumas, père, invite M. l'administrateur général de la Comédie-Française à retirer du répertoire les pièces de Mademoiselle de Belle-Île et de Demoiselle de Saint-Cyr, ou à distribuer à une autre artiste les rôles dont je suis chargé dans ses ouvrages. M. Dumas sait très bien qu'il n'a le droit ni de retirer les pièces du répertoire, ni d'en changer la distribution. Il doit savoir également que depuis plus d'un an, j'ai spontanément renoncé, en faveur de Mademoiselle Fix, au rôle un peu trop jeune pour moi de la pensionnaire de Saint-Cyr. Ce qu'il ignore peut-être, c'est que je n'ai joué le rôle secondaire de la marquise de Prie dans Mademoiselle de Belle-Île pour les débuts de Mademoiselle Stella Colas qu'à regret, et sur les instances réitérées de M. Ampis. J'y renoncerai avec empressement le jour où le jugera convenable M. l'administrateur du Théâtre Français, à qui j'ai été heureuse de prouver en cette occasion mon désir de lui plaire. Quant à la leçon que M. Dumas prétend me donner, je ne saurais l'accepter. J'ai pu, dans un moment inopportun peut-être, porter un jugement consciencieux sur des actes et des écrits que leur auteur lui-même livrait au public. Je ne blessais ni d'anciennes amitiés, ni même d'anciennes admirations. Mais dans ces questions délicates, moins qu'à personne, il appartient de prendre la parole à l'homme qui n'a pas su respecter dans ses anciens bienfaiteurs un exil doublement sacré. Agréé, etc. À Brouhan. Nous ne sommes de l'avis de Mademoiselle Brouhan, ni sur le rôle de Mademoiselle Mauclair, ni sur celui de Madame de Prie. Mademoiselle Augustine Brouhan, âgée de 37 ans à peine, est toujours jolie. Pouvait parfaitement jouer la pensionnaire de Saint-Cyr, puisque Mademoiselle Mars, à 50, jouait celui de la Duchesse de Guise, et à 58, celui de Mademoiselle de Belle-Île. Quant au rôle secondaire de Madame de Prie, qu'elle a joué par complaisance, dit-elle, peut-être est-il devenu un rôle secondaire aujourd'hui. Mais du temps de Mademoiselle Mante, c'était un premier rôle. J'en appelle à tous ceux qui l'ont vu jouer à cette éminente actrice. Passons à mon ingratitude envers mes bienfaiteurs. Je n'essuierai pas avec Mademoiselle Brouhan la signification multiple de ce mot « bienfaiteur ». Je le prends dans son sens ordinaire et moral. Donc, quant à mon ingratitude envers mes bienfaiteurs, je remercie Mademoiselle Augustine Brouhan de me placer sur ce terrain. Je vois que, malgré ma lettre, elle est toujours restée mon amie. Attaquée, je dois répondre. Ceux qui ont lu mes mémoires savent qu'entrer dans les bureaux du duc d'Orléans en 1823, sur la recommandation du général Foy, j'ai resté 7 ans. Une année comme expéditionnaire, à 1200 francs, 3 ans comme employé au secrétariat, à 1500 francs, 2 ans comme commis d'ordre, à 2000 francs, 2 ans comme bibliothécaire adjoint, à 1200 francs. Là, se sont bornés à mon égard les bienfaits du duc d'Orléans, Louis-Philippe, bienfaits en échange desquels je lui consacrais 9 heures de mon temps par jour. En 1830, je donnai ma démission de bibliothécaire adjoint afin d'avoir le droit non seulement d'avoir une opinion, mais encore de la dire tout haut. Je perdis immédiatement la protection de mon bienfaiteur couronné, et jamais depuis je ne la reconquis ni n'essayer de la reconquérir. Mais, en compensation, je conservais une amitié bien précieuse, celle du prince royal. Ah, celui-là fut mon véritable bienfaiteur. J'obtins de lui la grâce d'un homme condamné aux galères. J'obtins de lui la vie d'un homme condamné à mort. Aussi, envers celui-là, ma reconnaissance ne s'est point démentie. Je l'ai aimé, respecté vivant. Mort, je le vénère. Racontons en deux mots comment se nouèrent plus tard les relations que j'eus l'honneur d'avoir avec monsieur le duc de Montpensier. C'était la première représentation des mousquetaires à l'ambigu, le 27 octobre 1845. La pièce en était au 8e ou 10e tableau, était en train de conquérir le succès, qui se traduisit par 150 ou 160 représentations consécutives. Le duc de Montpensier assistait à la représentation. Pasquier, son chirurgien, vint frapper à ma loge. « Le duc de Montpensier te demande, » me dit-il. « Pourquoi faire ?»« Mais pour te faire ses compliments. »« Je ne le connais pas. Vous ferez connaissance. »« Je suis en redingote et en cravate noire. »« Un jour de triomphe, on n'y regarde pas de si près. » Je suivis Pasquier. 3 mois après, la direction du théâtre historique était accordée à M. Austin. 1 an plus tard, le théâtre historique jouait la Reine Margot comme pièce d'ouverture. Je paye aujourd'hui 200 000 francs, ce bienfait, de M. le duc de Montpensier, mais je ne lui en suis pas moins reconnaissant. Et la preuve, c'est que le 4 mars 1848, c'est-à-dire 7 jours après la révolution de février, au milieu de l'effervescence républicaine qui remplissait les rues de bruits et de clameurs, j'écrivis cette lettre dans le journal La Presse. À Monseigneur le duc de Montpensier. Prince, si je savais où trouver votre Altesse, ce serait de vive voix, ce serait en personne que j'irais lui offrir l'expression de ma douleur pour la grande catastrophe qui l'atteint personnellement. Je n'oublierai jamais que pendant 3 ans, en dehors de tout sentiment politique, et contrairement au désir du roi, qui connaissait mes opinions, vous avez bien voulu me recevoir et me traiter presque en ami. Ce titre d'ami, Monseigneur, quand vous appitiez les Tuileries, je m'en vantais. Aujourd'hui que vous avez quitté la France, je le réclame. Au reste, Monseigneur, votre Altesse, j'en suis certain, n'avait point besoin de cette lettre pour savoir que mon cœur est un de ceux qui lui sont acquis. Dieu me garde de ne pas conserver dans toute sa pureté la religion de la tombe et le culte de l'exil. J'ai l'honneur d'être, avec respect, Monseigneur de votre Altesse royale, le très humble et très obéissant serviteur, Alexandre Dumas. À cette époque, et pendant le moment d'effervescence où l'on se trouvait, il y avait quelque danger à écrire une pareille lettre. Et vous allez le voir, cher lecteur. Le lendemain, ou le surlendemain du jour où cette lettre parut, il y avait à la Bastille inhumation des citoyens tués pendant les 3 jours de 1848. Ils allaient rejoindre les patriotes de 1789 et de 1830. J'ai assisté à cette fête avec mon costume de commandant de la garde nationale de Saint-Germain. Je revenais de la Bastille. Depuis quelque temps, j'entendais une rumeur grossissante derrière moi. À l'entrée de la rue de la Grange-Batelière, je crus m'apercevoir que j'étais l'objet de cette rumeur, et je me retournai. En effet, un homme avait ameuté une 50aine d'individus et me suivait avec eux. En voyant que je me retournais, cet homme vint à moi. « C'est donc toi, citoyen Alexandre Dumas, me dit-il, qui appelle Montpensier Monseigneur ?»« Monsieur, lui répondis-je avec ma politesse accoutumée, j'appelle toujours un exilé Monseigneur. C'est une mauvaise habitude peut-être, mais que voulez-vous, elle est prise ainsi. »« Eh bien, tiens, continua le citoyen X, voilà pour ta peine. » Et à ce mot, il tira un pistolet de dessous son paletot et me le mit sur sa poitrine. Un jeune homme que je ne connaissais pas, M. Émile Maillère, qui demeure aujourd'hui rue de Buffault, numéro 17, releva avec son bras le pistolet du citoyen X. Le pistolet partit en l'air. J'avais tiré mon sabre du fourreau, je pouvais le passer au travers du corps du citoyen X. Je jugeai la représaille inutile. Je rentrai chez moi. L'événement se passa en plein jour et devant 200 personnes. Il est donc incontestable. Et s'il était contesté, 20 témoins seraient là pour affirmer ce que je raconte. Le bruit n'en est pas venu jusqu'à Mademoiselle Brouhans, ce n'a rien d'étonnant. On faisait tant de bruit à cette époque, surtout au théâtre français, où Mademoiselle Rachel chantait la Marseillaise. Mais le bruit en vint jusqu'à Monsieur le prince de Joinville. Lorsqu'il fut question de former l'assemblée constituante, un de ses aides de camp vint me trouver de sa part. C'était un capitaine de frégate. « Monsieur Dumas, me dit-il, le prince de Joinville désire se mettre sur les rangs pour la députation. » Je m'inclinai, attendant la suite de l'ouverture. Le capitaine continua. « Il me charge de vous demander votre avis sur la façon dont doit être rédigée sa profession de foi. »« Ah, répondis-je, monsieur, c'est très simple. » Et je pris une feuille de papier, j'écrivis « Saint-Jean-du-Loa, Tanger, Mogador. Retour descendre de Sainte-Hélène. Joinville. » « Voilà, dis-je, en remettant la feuille de papier au capitaine, la meilleure profession de foi que, à mon avis, puisse faire monsieur le prince de Joinville. » Le prince de Joinville adopta une autre réaction. Je crois qu'il eut tort. L'Assemblée nationale réunie en discuta la loi d'exil. J'avais alors un traité avec le journal La Liberté. J'y étais entré au mois de mars, lorsqu'il tirait à 12 ou 13 000 exemplaires. Au 15 mai suivant, il tirait à 84 000. La Liberté était devenue une puissance. C'était un monsieur Le Poitevin, cet homme qui en était rédacteur en chef. Je crus devoir protester contre la loi d'exil qui frappait tous les membres de la famille d'Orléans. J'apportai ma protestation à monsieur Le Poitevin de Saint-Alme, qui refusa l'insérer. Je rompis mon traité avec la Liberté. Puis j'allai porter ma protestation de journal en journal. Tous refusèrent. J'allai à la commune de Paris, c'est-à-dire dans la gueule du lion. J'attaquai tous les jours Sobrier et Blanqui. La commune de Paris fit ce qu'aucun journal n'avait osé faire. Elle inséra ma protestation. Ce n'est pas tout. Lorsque le prince Louis-Napoléon fut nommé président de la République, je lui adressai le 19 décembre 1848 une lettre sur le même sujet et qui fut publiée par le journal de l'événement. Étrange coïncidence. L'événement dans lequel je demandais le rappel de tous les exilés était le journal de Victor Hugo. Ceux qui désireront lire cette lettre la trouveront à la date du 19 décembre. Enfin, lorsque le roi Louis-Philippe mourut, je fis le voyage de Paris à Clermont pour assister à son convoi. Et comme 10 ans auparavant, j'avais fait le voyage de Florence à Dreux pour assister à celui du duc d'Orléans. Selon toute probabilité, ces différents faits ne sont point parvenus à la connaissance de Mademoiselle Augustine Brouhan. Il n'y a rien là d'étonnant. À cette époque, Mademoiselle Augustine Brouhan n'était pas encore journaliste. Une dernière anecdote. On se rappelle que c'est sous l'influence du duc de Montpensier que le théâtre historique s'était ouvert. Le duc de Montpensier avait sa loge de théâtre historique. La révolution de février terminée, le duc de Montpensier partit. Sa loge, dont il n'avait pas renouvelé la location, se trouvait vacante. J'ai trouvé M. Austin et le priai de me louer cette loge à personne, la prenant pour mon compte. M. Austin y consentit. Pendant près d'un an, la loge du duc de Montpensier resta vide et éclairée aux premières représentations, comme si elle l'attendait. Il y a plus. Le duc de Montpensier, à chaque première représentation, recevait avec une lettre de moi son coupon de loge à Séville. Au bout d'un an, son secrétaire intime, M. Latour, vint faire un voyage à Paris. À peine arrivé, il accourut chez moi. Il venait me faire des compliments de la part du prince. Après avoir causé de beaucoup de choses, les sujets de conversation ne manquaient point à cette époque, nous en arrivâmes au théâtre historique. À propos, me dit-il, ai-je encore mes entrées? Où cela? Au théâtre historique? Parbleu! « Je veux dire mes entrées sur la scène. Avez-vous toujours votre clé de communication ?»« Oui. Eh bien, cher ami, servez-vous-en ce soir. Les révolutions changent les gouvernements, mais elles ne changent pas les serrures. Seulement à mon tour, à propos, quoi ? Le prince reçoit ses coupons de loge, n'est-ce pas ? Certainement. Qu'a-t-il dit quand il a reçu le premier ? Il s'est mis à rire en disant « Ce farceur de Dumas !»« Tiens, c'est singulier, » répondis-je. À sa place, je me serais mis à pleurer. J'allais à mon bureau. Vous écrivez, me demanda Latour. Oh, rien, un mot. J'écrivis, en effet. J'écrivais à M. Austin. Mon cher Austin, vous pouvez à partir de demain disposer de l'avant-scène de M. le duc de Montpensier. Je trouve que c'est un peu trop cher de payer une loge à l'année pour faire rire un prince. Tout à vous, Alexandre Dumas. Comment j'ai fait jouer à Marseille le drame des forestiers. Un jour, il y a 18 mois de cela, je reçus une lettre de Clarisse Mirois. Vous vous rappelez bien Clarisse Mirois, n'est-ce pas? Vous l'avez assez applaudie dans la grâce de Dieu et dans la bergère des Alpes. L'excellent artiste me priait de lui renvoyer pour elle et pour Jeanne Val, dont elle me vantait le talent, un Antony censuré. Le préfet des Bouches-du-Rhône, ignorant que l'on jouait à Antony à Paris, refusait de le laisser jouer à Marseille. J'avais beaucoup entendu parler du talent de Jeanne Val, qui a une grande réputation en province. Je venais d'écrire les derniers mots d'un drame tiré d'un roman anglais, Jeanne Eyre. J'ai eu l'idée, au lieu d'envoyer Antony à Clarisse et à Jeanne Val, de leur offrir Jeanne Eyre. Peut-être la pièce ne valait-elle pas Antony, qui du temps de l'école idéaliste passait pour une assez bonne pièce. Mais, en tout cas, c'était moins connu. Jeanne Val et Clarisse acceptèrent. Ils allèrent trouver Messieurs Tronchet et La Feuillade, les directeurs des deux théâtres, et leur faire part de ma proposition. Poste pour poste, je reçus de ces messieurs prière de leur envoyer mes conditions. J'étais fatigué, j'avais un énorme besoin de cette grande amie à moi que l'on nomme la solitude. Je résolus de porter mes conditions moi-même. Je sautais en wagon, 22 heures après j'étais à Marseille. Avec des ambassadeurs comme Jeanne Val et Clarisse, qui tenaient les recettes du théâtre de Marseille entre leurs mains, les conditions ne furent pas longues à débattre. Le jour de la lecture aux acteurs fut fixé. À mon grand étonnement, je trouvai chez M. Tronchet, l'un des deux directeurs, non seulement les artistes qui devaient jouer dans l'ouvrage, mais encore une partie de la presse et une fraction du conseil municipal. Vous jugez si cette solennité m'effraya, moi l'homme le moins solennel du monde. Enfin, je tirai mon manuscrit de Jeanne Eyre et lus, tant bien que mal, le prologue et les trois premiers actes. Par malheur ou par bonheur, vous allez voir combien les desseins de Dieu sont impénétrables. La copiste qui m'avait promis de m'apporter les deux derniers actes de mon drame me manqua de parole. Je fus donc obligé de faire à l'honorable société un discours dans lequel je lui exposai la situation en l'invitant à revenir le samedi suivant. L'honorable société fut de bonne composition. Elle m'assura qu'elle s'était trop amusée aux trois premiers actes pour ne pas revenir aux deux derniers, et partit, en apparence, fort satisfaite. C'est ce qu'il nous faut à nous, qui ne vivons que d'apparence. Mais pendant ces deux jours, il devait se passer un grand événement. Une artiste mécontente de ce rôle et qui, par conséquent, désirait que la pièce ne fût pas jouée, vint trouver Jeanne Val et, en confidence, lui glissa tout bas que ma pièce avait déjà été jouée à Bruxelles. J'avoue qu'à cette ouverture de Jeanne Val, mon étonnement fut grand. J'allais aux sources, voici ce qui était arrivé. J'avais lu le roman de Miss Carrère Bell sur l'original. J'ignorais qu'il eût été traduit. Et par suite, j'ignorais que deux jeunes Belges de beaucoup de talent, ce qui n'arrangeait pas mon affaire, on avait fait un drame pour le théâtre des Galeries Saint-Hubert. C'était ce drame que l'on m'accusait tout simplement de vouloir faire jouer sous mon nom à Marseille. L'accusation était absurde. Mais vous connaissez l'axiome, cher lecteur. Credo quia absurdum. À l'instant même, mon parti fut pris. Je remerciai l'artiste de sa bienveillante démarche à mon égard. J'arrivai à la réunion du samedi, je demandai la parole. Et je racontai toute l'histoire, déclarant qu'il m'était impossible de laisser jouer maintenant Jeanne Eyre. Ce fut un concert de désolation. Comme il paraissait sincère. « Messieurs et mesdames, » demandai-je, qui avait des dames, « voulez-vous me permettre de vous raconter une histoire ?» Ma proposition souleva une tempête. « Ce n'est pas une histoire que nous voulons, » me fut-il répondu de tous côtés. « C'est un drame, ou tout au moins une comédie. » « Laissez-moi toujours vous raconter l'histoire, » insistai-je. On me fit cette concession, mais bien en rechignant, je vous jure. « Messieurs, dis-je, il n'est point que vous n'ayez entendu parler d'un grand légiste, nommé Cambacérès, qui avait l'honneur d'être archi-chancelier sous Napoléon Ier. » La plupart des personnes qui se trouvaient là, de si mauvaise humeur qu'elles fussent, furent obligées de convenir qu'elles retrouvaient dans leurs souvenirs quelque chose qui n'était aucunement désaccord avec ce que je disais. Je continuai. Il n'est point que vous n'ayez entendu dire encore que cet archi-chancelier, que Napoléon tourmentait tant avec son vote du 20 janvier 1793, était non seulement un grand légiste, mais encore un grand gastronome, chose bien autrement rare. Car on peut être un grand légiste avec une bonne mémoire, mais on ne peut pas être un grand gastronome qu'avec un bon estomac. Or, son Excellence, l'archi-chancelier, ayant été doublement doué, et d'une bonne mémoire et d'un bon estomac, était donc à la fois un grand légiste et un grand gastronome. Ici, je fus interrompu pour tout de bon. « Qu'êtes-vous ? » demandai-je un jour, que je mettais en scène le drame des Girondins au théâtre historique, à un homme que je trouvais constamment entre mes jambes, et dont la figure, sans m'être complètement inconnue, ne m'était pas tout à fait étrangère. « Et pourquoi êtes-vous toujours là ?»« Parce que j'ai le droit d'y être, monsieur, » répondit-il, comme un homme sûr de son droit. « Qui êtes-vous donc ?»« Je suis le premier murmure. » J'inclinai la tête sous cette réponse. « Cet homme, mon chef de comparse, était en effet le premier murmure. » Que de fois je l'avais déjà entendu, ce malheureux premier murmure, qui a toujours le droit d'être là. Que de fois devais-je l'entendre encore ? « Ah, lui répondis-je, je te connais. Tu es l'esclave qui suivait à Rome le char du triomphateur et qui lui criait, au milieu des couronnes, des fanfares, des bravos, des applaudissements et des palmes. « César, souviens-toi que tu es mortel. Seulement, tu ne t'appelles pas le premier murmure, tu t'appelles l'envie. Seulement, tu n'es pas un homme, tu es un serpent. » Eh bien, ce premier murmure, je venais de l'entendre derrière moi, à cette seconde période de mon histoire de Cambacérès. « Messieurs, dis-je, par grâce, laissez-moi achever. » On concéda. Un jour, continuai-je, que ce grand légiste tenait un de ses dîners dont lui seul et son cuisinier avaient le secret, il reçut un si magnifique poisson que cuisinier et maître restèrent à l'admiration devant lui. « Oh, nous connaissons l'anecdote, » dit une voix. Et le turbot fut mis à la sauce piquante. « Messieurs, vous vous trompez. Ce n'était point un turbot, c'était un saumon. Et il fut mangé non pas avec une sauce piquante, mais avec une sauce hollandaise. » Le silence se rétablit. L'interrupteur avait vu qu'il était dans son tort. « Mais au moment, continuai-je, où maître et cuisinier étaient en admiration, voilà que l'on annonce un second saumon. On le déballa négligemment, et seulement à cause de la longueur de sa bourriche, qui semblait exagérée. L'étonnement fut grand. Lorsqu'on le mettant à côté du premier, on vit qu'il avait 32 cm de plus, et lorsqu'en le plaquant dans une balance, on reconnut qu'il l'emportait sur l'autre de 2,5 livres. Jamais on n'avait vu saumon de pareille taille. « Pardon, monsieur, » me dit une petite voix, « mais il me semble que vous vous éloignez de plus en plus de la question. Au contraire, je m'en rapproche. Laissez-moi dire et vous verrez. » Le premier murmure devint second murmure. Je fis comme on fait au bal de l'opéra. Je lui dis, « Je te connais, beau masque. » Et je continuai. Que faire de deux pareils poissons ? L'archi-chancelier en était presque à regretter le second, qui le mettait dans un pareil embarras. Enfin, il se frappa le front. Un sourire s'épanouit sur ses lèvres éloquentes et gourmandes. « Le dîner a lieu demain, » dit-il au maître d'hôtel. « Faites cuire les deux poissons, vous recevrez des ordres subséquents. » On était habitué à ne plus s'inquiéter de rien en politique et en cuisine. Quand l'archi-chancelier avait dit « Soyez tranquille », on ne s'inquiéta plus de rien. Le même soir, les ordres furent donnés. Le lendemain, à 6 heures précises, les convives étaient à table. Pendant le potage, qui était une bisque aux écrevisses, on leur avait annoncé le saumon comme un monstre marin dont ils n'avaient aucune idée. Les convives de Cambacérès, qui avaient vu ce qu'il y a de mieux en poissons de tout genre, et qui croyaient naturellement n'avoir plus rien à voir sous ce rapport, attendaient donc avec une dédaigneuse confiance l'apparition du prétendu monstre. On n'avait pas longtemps à l'attendre. Il devait venir en relevé de potage. Au moment solennel, la porte de la salle à manger s'ouvrit. On entendit résonner dans le lointain la marche des Samnites. Un chef parut, un candélabre à la main, suivi de 4 marmitons en costume d'une entière blancheur, portant sur leurs épaules une planche de 5 pieds de long, sur laquelle, au milieu d'une mer d'herbes odoriférantes, dormait le saumon attendu. Quoique ce fût le moins grand des deux, sa vue excita une clameur universelle. Les convives, pour mieux voir, se levèrent. Les plus petits montèrent sur leurs chaises, et la procession commença sa promenade autour de la salle à manger. On en était au plus fort de l'admiration quand Marmiton maladroit glisse et tombe, entraînant son compagnon dans sa chute. Il n'y eut qu'un cri, cri de terreur, non pas pour les deux Marmitons, qui s'inquiétaient de pareils drôles, mais pour le saumon. Le saumon, en effet, était cuit trop à point pour supporter impunément une pareille chute. Et il se brisa en 10 morceaux. Ah, firent les convives d'un seul cri, mais en modulant leurs sensations sur 20 tons différents qui remplirent la gamme de la douleur, depuis le soupir jusqu'au sanglot. Au milieu de ce concert de désolation, on entendait une voix qui disait « Que voulez-vous, messieurs ? C'est un petit malheur. » Chacun se retourna vers celui qui venait de prononcer ce blasphème. C'était le maître de la maison, qui, au milieu de ce désastre, était resté le front calme, le visage souriant. Tous les bras devinrent des points d'interrogation et se dressèrent vers lui. « Qu'on en apporte un autre, » dit-il d'un air impératif et avec un geste de commandement qui rappelait le grand Condé. Chacun resta stupéfait. Au même instant, la musique, qui avait cessé, comme si elle eût été frappée du même coup que les convives, reprit plus animée que jamais. On entendit le piétinement d'une nouvelle procession. Un nouveau chef entra, portant 2 candélabres au lieu d'un. Il était suivi non plus de 4, mais de 8 marmitons, portant non plus une planche de 6 pieds, mais de 10. Et sur cette planche gisait, non plus au milieu du cerfeuil, de la pamprenelle et du persil, mais sur un lit des fleurs les plus rares, le véritable colosse, le véritable monstre, le saumon gigantesque destiné à être mangé, et dont l'hôte n'était que la miniature. L'esprit des gourmands est ordinairement d'une grande finesse. Il n'y eut pas un des convives qui n'en comprit l'admirable comédie culinaire qui venait d'être jouée devant lui. Toutes les voix éclatèrent en un seul cri. « Vive Monseigneur l'archichancelier ! Vive le soutien de l'Empire !» Cambacérès se rassit modestement et ne dit que ces 2 mots. « Messieurs, mangeons !»« Eh bien, me demanda une voix, que signifie votre histoire ?»« Cela signifie, messieurs, que le saumon de Saint-Pierre a fait une chute et que l'on va vous en servir de 7. Voulez-vous vous trouver ici jeudi prochain ? D'ici là, je ferai une autre pièce que j'aurai l'honneur de vous lire. » Et ce drame, comment s'appellera-t-il ? Demanda la même voix interrogative. Il s'appellera le Saltéador, Pascal Bruno, ou les gardes forestiers, à votre choix. Ben pour les gardes forestiers, dit la même voix. Ah, je dis donc, les gardes forestiers, messieurs. Le grand saumon avait fait son effet. On m'entoura, on m'applaudit, on me félicita. « Que cherchez-vous ? » me demanda Jean de Val. « Je cherche le premier murmure. »« Oh, soyez tranquille, » me dit-il en riant. « Il est allé vous attendre dans la salle. » Au nombre des personnes qui assistaient à la lecture était un de mes vieux amis, nommé Berthaud. Nous étions déjà amis avant de nous connaître. Nous sommes restés amis après nous être connus, et nous nous sommes connus en 1834. Voilà de cela tantôt 24 ans. Une amitié qui a âge d'homme, c'est respectable. Comment était-il mon ami sans me connaître ? Comment m'avait-il prouvé son amitié ? Je vais vous raconter cela. Berthaud avait 24 ans en 1830. Comme tous les Marseillais, il avait le cœur chaud, la tête poétique et de l'esprit jusqu'au bout des ongles. Je ne sais pas comment font ces diables de Marseillais. Ils ont tous de l'esprit et il en reste encore pour les autres. Il s'était fait non seulement un adepte, mais un fanatique de la nouvelle école. Malheureusement, tout le monde n'était pas de son opinion littéraire à Marseille. Il y avait bon nombre d'opposants, et les opposants étaient même en majorité. Madame Dorval y vint en 1831 pour jouer Antony. Or, Antony était l'expression la plus avancée du parti. Victor Hugo, plus romantique que moi par la forme, était plus classique par le fond. L'effet d'Antony sur les Marseillais devait être décisif. Continuerait-on de parler la langue d'oc à Marseille ? Y parlerait-on la langue d'oeil ? Telle était la question. Anthony allait la décider. Chers lecteurs qui couraient les boulevards, un agenda à la main, non pas pour inscrire vos pensées, mais vos différences. Et vous surtout, belle lectrice, qui portez ces crinolines immenses et ces imperceptibles chapeaux dont l'un est nécessairement la critique de l'autre, vous n'avez pas connu ces représentations de 1830, dont chacune était une bataille de la Moscova, à la fin de laquelle chacun chantait son Te Deum, comme si les deux parties étaient vainqueurs, tandis qu'au contraire, souvent les deux parties étaient vaincues. Vous ne pouvez donc vous faire une idée de ce que fut, ou plutôt de ce qui ne fut pas, la première représentation d'Anthony à Marseille. Dès le premier acte, il y eut lutte dans le parterre, non pas lutte de sifflets et de bravos, d'applaudissements et de chants de coqs, de cris humains et de miaulements de chats, comme ce se pratique dans les représentations ordinaires. Non, lutte d'injures, lutte à coups de pied, lutte à coups de poing. Berthaud, à son grand regret, fut un peu empêché de prendre part à cette lutte. Pourquoi ? Ou plutôt, par quoi ? Par une couronne de laurier qu'il avait apportée toute faite et qu'il cachait sous une de ses immenses redingotes blanches comme on en portait en 1831. Peut-être un combattant de plus et surtout un combattant de la force, de l'enthousiasme et de la conviction de Berthaud eût-il changé la face de la bataille. Or, quoi qu'ils doivent m'en coûter, il faut bien que je l'avoue, la bataille fut perdue, non pas comme Waterloo, au cinquième acte, mais comme Rosbach au premier. Force fut de baisser la toile avant la fin de ce malheureux premier acte. Que fait Berthaud ? Ou plutôt, que fera Berthaud de sa couronne ? Berthaud s'élance sur le théâtre, crie au rideau, d'une si majestueuse voix que le machiniste la prend pour celle du régisseur. Le rideau se lève, et que voit le parterre, encore en train de se gourmer ? Berthaud sur le théâtre avec sa redingote blanche et sa couronne à la main. Berthaud, secrétaire de la préfecture, était connu de tout Marseille. Que va faire Berthaud ? À peine chacun s'était-il adressé cette question que Berthaud arrache la brochure des mains du souffleur, allonge son double laurier sur la brochure et à haute et intelligible voix. « Alexandre Dumas, dit-il, puisque tu n'es pas ici et que je ne puis te couronner, permets que je couronne la brochure. Je vous demande à vous qui connaissez Marseille, quel fut le tonnerre d'injures, de cris, d'imprécations qui s'élança de ce volcan que l'on appelle un parterre marseillais. Vous croyez que Berthaud vaincu va se retirer ? Vous ne connaissez pas Berthaud. Il se retire en effet, mais pour aller chercher dans le cabinet des accessoires la plus immense perruque du malade imaginaire, la fait boudrer à blanc par le coiffeur, la dissimule derrière sa redingote blanche, rentre sur la scène et crie « Au rideau !» pour la seconde fois. Trompé pour la seconde fois, le machiniste lève la toile. Encore Berthaud. Cette fois seulement, Berthaud fait trois humbles saluts. On croit qu'il va faire des excuses, on crie « silence », on se rassied. Berthaud tire sa perruque de derrière son dos et d'une voix articulée de façon à ce que personne n'en perde un mot. « Tiens, parterre de perruquier, dit-il, je t'offre ton emblème. » Et il jette sa perruque poudrée à blanc au milieu du parterre. Cette fois, ce ne fut pas une révolte, ce fut une révolution. Ce n'était plus assez de proscrire Berthaud comme Aristide, il fallait l'immoler comme les Gracques. On se précipite sur le théâtre. Berthaud n'eut que le temps de disparaître, non par une trappe, mais par le trou du souffleur. Un pompier qui lui avait des obligations lui prêta son casque et sa veste pour sortir du théâtre et rentrer chez lui. Le lendemain, en venant à son bureau, il trouva le préfet plein d'inquiétude. On lui avait annoncé que son secrétaire particulier était fou, et comme à part son enthousiasme romantique, Berthaud était un excellent employé, le préfet était au désespoir. Or, j'avais retrouvé Berthaud aussi chaud en 1858 qu'il ne l'était en 1832. Présent à l'engagement que je prenais de lire une nouvelle pièce le jeudi suivant, il pensa que j'aurais besoin de solitude et m'offrit sa campagne de la Blancarde. En sortant du théâtre, nous montâmes en voiture et allâmes à la campagne. Imaginez-vous la plus délicieuse retraite qu'il y ait au monde, avec des forêts de pins qui, au mois d'août, ne laissent point passer un rayon de soleil, avec des vergers d'amandiers qui, au mois de mars, quand à Paris tombe la véritable neige, froide et glacée, secouent eux leur neige parfumée et rose sur des gazons qui n'ont pas cessé d'être verts. La maison était gardée par un simple jardinier nommé Claude, comme au temps de Florian et de Madame de Genlis. Le matin, au poste à feu de la Blancarde, il avait tué un oiseau qui lui était inconnu. Il apportait cet oiseau à son maître. Berthaud poussa un cri de joie. « Eh, mon ami, dit-il, c'est pour vous. C'est en votre honneur que cet oiseau s'est fait tuer. » Je pris l'oiseau. Je l'examinai, le tournant et le retournant. « Je ne trouve rien d'extraordinaire, lui dis-je. À moins que ce ne soit le rara avis de Juvenal ou le phénix qui vient déguisé en simple particulier pour le carnaval à Marseille. » Berthaud m'interrompit. « Eh, mon ami, c'est bien mieux que tout cela. C'est l'oiseau contesté, l'oiseau fabuleux, l'oiseau que l'on vous a accusé d'avoir trouvé dans votre imagination, l'oiseau qui n'existe pas, à ce que prétendent les savants. C'est un chasse, mon ami. Voilà 20 ans que j'en cherche un pour vous l'envoyer. Tiens, Claude, voilà 100 sous. Un chastre. Je vous avoue que moi-même, j'étais resté stupéfait. On m'avait tant dit que j'avais inventé le chastre et que j'avais fini par le croire. Je m'étais dit que j'avais été mystifié par M. Louet, et je m'étais consolé, ayant été depuis mystifié par bien d'autres. Mais non, l'honnête homme ne m'avait dit que la vérité. Peut-être n'avait-il pas été à Rome en poursuivant un chasse. Mais il avait pu y aller, puisque, ornithologiquement parlant, la cause première existait. Je suis le chasse dans une boîte faite exprès, et je l'expédie à Paris pour le faire empailler. Puis je m'occupai de mon installation. La première chose qui m'était nécessaire était une cuisinière. Je m'informai à Berthaud. « Diable, me dit-il, je vous en donnerai bien une, mais elle a un défaut. Lequel ? Elle ne sait pas faire la cuisine. » Je jetai un cri de joie. « Eh, mon ami, lui dis-je, c'est justement ce que je cherche. Une cuisinière qui ne sait pas faire la cuisine. Mais c'est un oiseau bien autrement rare que votre chastre, que je soupçonne d'être le merle à plastron. Ce qui, soyez tranquille, ne m'ôte aucunement de ma considération pour lui. » Une cuisinière qui ne sait pas faire la cuisine est un être sans envie, sans orgueil, sans préjugés, qui n'ajoutera pas de poivre dans mes ragoûts, de farine dans mes sauces, de chicorée dans mon café, qui me laissera mettre du vin, du bouillon dans mes omelettes, sans lever les bras au ciel comme le grand prêtre Abimelech. Allez me chercher votre cuisinière qui ne sait pas faire la cuisine, cher ami, et n'allez pas vous tromper, et m'en amener une qui la sache. Berthaud partit comme si c'était la veille, qu'il eût jeté une perruque par terre, et revint, ramenant au petit trot derrière lui une bonne grosse provençale de 35 à 40 ans, avec un sourire sur les lèvres, une étincelle dans les yeux et un accent que, près d'elle, le capitaine Pamphile parlait le tourangeau. Elle s'appelait Madame Camel. Nous nous entendîmes en quelques paroles. Il fut convenu qu'elle ferait le marché et que je ferais la cuisine. La seule part qu'elle prendrait à cette préparation chimique serait de gratter les légumes, d'écumer le pot-au-feu et de vider les volailles. Je me chargeai du reste. Il n'est pas, cher lecteur, détournez-vous, belle lectrice, qui méprisez les occupations du ménage, et n'écoutez pas. Il n'est pas, cher lecteur, que vous ne sachiez que j'ai des prétentions à la littérature, mais qu'elles ne sont rien auprès de mes prétentions à la cuisine. J'ai, de par le monde, 3 ou 4 grands cuisiniers de mes amis, que je me ménage pour collaborateurs, dans un grand ouvrage sur la cuisine. Lequel ouvrage ? Sera l'oreiller de ma vieillesse. Ces grands cuisiniers, ces illustres collaborateurs, sont Villemot, mon ancien hôte de la cloche et de la bouteille, qui tient aujourd'hui le restaurant de la place de la Madeleine, l'homme chez lequel on boit le meilleur vin, on mange les huîtres les plus fraîches et l'on déguste des Hollandais les plus fins. Enfin, Roubion et Général de Marseille, les seuls praticiens chez lesquels on mange la véritable bouillabaisse aux 3 poissons. Et remarquez-le bien, cher lecteur, mon livre ne sera pas un livre de simple théorie, ce sera un livre de pratique. Avec mon livre, on n'aura plus besoin de savoir la cuisine pour la faire. Au contraire, moins on le saura, mieux on la fera. Car si poétique que sera l'œuvre, l'exécution en sera toute matérielle. Comme en arithmétique, dès que j'aurai indiqué une recette, je donnerai la preuve de son infaillibilité. Tenez, un exemple, le premier venu est bien simple. Vous avez touché la chose du doigt. Il s'agit de faire rôtir un poulet. Brian Savarin, homme de théorie, qui n'a au fond inventé que l'omelette aux laitances de carpe, a dit « On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. » C'est une maxime, c'est même plus ou moins qu'une maxime, c'est un vers. Mais au lieu d'une maxime, au lieu d'un vers, il aurait bien mieux fait de nous donner une recette. Coutry, autre grand praticien aujourd'hui retiré, a dit « Je préfère le cuisinier qui invente un plat à l'astronome qui découvre une étoile. Car pour ce que nous en faisons des étoiles, nous en aurons toujours assez. revenant à la manière de faire rôtir un poulet. Pardieu, c'est bien simple, me direz-vous, surtout avec nos cuisines économiques. Vous mettez votre poulet dans un plat, sur une couche de beurre, vous glissez le plat dans votre four, et de temps en temps, vous arrosez le poulet. Pouah ! Ne causons pas ensemble, s'il vous plaît, ce serait du temps perdu. Un rôti au four, c'est bon pour des Esquimaux, des Hottentots et des Arabes. Alors à la broche. Soit à la broche au tourniquet, soit dans une cuisinière. Avec une coquille devant. C'est déjà mieux. Mais ne vous fâchez pas si je vous dis que c'est l'enfance de l'art que vous pratiquez là. L'enfance de l'art? Eh oui. Savez-vous combien vous faites de trous à votre poulet en le faisant cuire de cette façon? 4. 2 avec la broche, 2 horizontalement, 2 verticalement. Eh bien, c'est 3 de trop. Ah, vous commencez à réfléchir, n'est-ce pas, cher lecteur? Vous vous dites, le maître, en somme, pourrait bien avoir raison. Plus le poulet a de trous, plus il perd de jus. Et le jus du poulet, une fois tombé dans la lèche frite, n'est plus bon qu'à faire des épinards. Encore, pour les susdits épinards, la graisse de caille vaut-elle mieux? Pas de broche, mes enfants, pas de brochette, une simple ficelle. Écoutez bien ceci. Tout animal a deux orifices, n'est-ce pas? L'un supérieur, un inférieur. C'est incontesté. Vous prenez votre poulet, vous lui faites rentrer la tête entre les deux clavicules, de manière à ce qu'elle pénètre dans les cavités de l'estomac. Méthode belge. Vous recousez la peau du cou, de manière à fermer hermétiquement les blessures de la poitrine. Vous retournez votre poulet, vous faites rentrer dans son orifice inférieur le foie, vous introduisez avec le foie un petit oignon, et un morceau de beurre manié de sel et de poivre, et devant un bon feu de bois, vous pendez votre poulet par les pattes de derrière à une simple ficelle, que vous faites tourner comme Sainte-Geneviève faisait tourner son fuseau. Puis vous versez dans vos lèches frites, gros comme un œuf de beurre frais, et une tasse à café de crème. Enfin, avec ce beurre et cette crème mêlés ensemble, vous arrosez votre poulet, en ayant soin de lui introduire le plus que vous pourrez de ce mélange dans l'orifice inférieur. Vous comprenez bien qu'il n'y a même pas à discuter la supériorité d'une pareille méthode. Il y a à faire cuire 2 poulets, et même 3 poulets, si vous y tenez, à votre four, et à goûter. Eh bien, dans mon livre, tout sera de cette simplicité, et, j'ose le dire, de cette supériorité. Au bout de 4 jours de cette cuisine simple et substantielle, les gardes forestiers étaient faits. Le jeudi, ils furent lus. 15 jours après, ils furent joués, que vous en dit les journaux de Marseille. Berthaud retrouva le soir de la représentation le premier murmure dans la salle, mais il le fit taire. Par quel moyen? Ah, quant à cela, je n'en sais rien. Par les moyens connus de Berthaud. Le jour même où j'arrivai à Marseille, je pris Jean de Val et Clarisse et je les emmenai au château d'If. À propos, je ne vous ai pas dit de moi et de ma pièce tout le bien que j'en pense, et je vous ai modestement renvoyé aux journaux de Marseille, mais ne point parler de la façon dont Jean de Val et Clarisse jouèrent l'un le père Vatrin et l'autre la mère Vatrin. Ce serait une ingratitude. Vous connaissez Clarisse, je n'ai donc rien à vous en dire. Ou plutôt, je n'ai à vous en dire que ce que vous en savez, que c'est une de ces rares organisations qui ont reçu de Dieu le privilège de vous faire rire et pleurer. Mais vous ne connaissez pas Jean Neval. C'est un beau garçon de 34 à 35 ans, un type qui tient la foi de Clarence et de Mélingue, et qui a surtout, dans le grand drame, dans Richard Darlington, dans Buridan, dans Kean, de magnifiques emportements. Cette fois, il perdit d'une partie de ses avantages, jouant un vieux garde dont les épaules, à force de porter son fusil, sont un peu rentrées dans la poitrine, dont les jambes, à force de marcher, sont un peu rentrées dans le ventre. Eh bien, il y avait été tout simplement parfait. Quand il y aura dans un des théâtres de Paris un directeur qui ne fera pas ses pièces lui-même et que j'aurai un peu d'influence dans ce théâtre, j'y ferai entrer Jean de Val. Alors, vous verrez et vous jugerez. J'avais, en outre, retrouvé dans la troupe un garçon d'un grand talent qui avait créé à Bruxelles le rôle de Mazarin dans mon drame de la jeunesse de Louis XIV arrêté par la censure parisienne. On l'appelle Romanville. Encore un qui devrait être à Paris et qui n'y est pas. En outre était venue de Paris mademoiselle Henriette Nova, charmante actrice déjà applaudie à l'ambigu, et la petite Dubreuil, qui tient à 9 ans ce que les autres actrices promettent à peine à 18. Carré et M. Herbelet complétaient cet ensemble, auquel la meilleure troupe du drame de Paris eût porté envie. Donc, grâce à eux, succès grand succès. Maintenant, n'en parlons plus. Et revenons au château d'If. ce n'était pas que je ne connusse pas le château d'If. Si j'étais pressé d'y aller, je le connais depuis 1834. En 1834, j'y fis une visite avec le même Berthaud, que vous avez vu en 1858 m'accompagner à la Blancarde. Et Mary, que nous laissâmes sur le rivage, comme une Ariane volontairement abandonnée. C'est que Mary a le mal de mer rien qu'à la regarder le balancement d'un bateau. Aussi, mîmes-nous sa petite peur à rançon, il ne fut racheté du voyage qu'à la condition qu'au retour, il y aurait 200 verres faits. Au retour, il y en avait 250. Mary est de bonne mesure et donne toujours plus qu'on ne lui demande. À l'époque où je visitais pour la première fois le château d'If, 1834, l'ombre de Mirabeau y régnait en souveraine. On y montrait le cachot de Mirabeau, on n'y parlait que de Mirabeau, on n'y racontait que les faits et gestes de Mirabeau. Depuis 1834, tout est bien changé. Canari, Canari, nous t'avons oublié, s'écrie Victor Hugo. Hélas, Mirabeau est aujourd'hui bien plus oublié au château d'If que Canari en Grèce. Qui est cause de cet oubli? Votre serviteur, qui a eu le malheur de faire un roman en une douzaine de volumes intitulé Monte Cristo. Avant d'être Monte Cristo, Monte Cristo fut Dantès. Vous vous en souvenez bien? Dantès passe 14 ans avec l'abbé Faria dans les cachots du château d'If et n'en sort qu'en se substituant à celui-ci dans le sac qu'on jette à la mer. Or voilà que la légende fausse a pris la place de l'histoire vraie. Voilà qu'on ne raconte plus au château d'If la captivité de Mirabeau, mais la fille de Dantès. Déjà en 1847, quand j'ai fait représenter Monte Cristo en deux journées au théâtre historique, j'avais écrit à Marseille pour avoir une vue du château d'If. Le dessin me fut envoyé avec cet exergue. Vue du château d'If, prise de l'endroit où Dantès a été précipité. Depuis ce temps, la tradition n'a fait que croître et embellir. Un concierge fait sa fortune au château d'If, fortune de concierge bien entendu, en 6 à 7 ans. Vend son fonds comme Boissier fait de son magasin, Philippe de son restaurant, Madame Prévost de sa boutique de fleurs, et se retire avec des rentes. Un journal a même été plus loin. Il a annoncé qu'un de ses concierges enrichis m'avait reconnaissant, à son dernier soupir, laissé 100 000 francs. C'est possible, mais aucun notaire ne m'a encore écrit pour me faire des communications à ce sujet. Tant il y a que j'arrive au château d'If pour me faire raconter l'histoire de Dantès comme un étranger, et comme un étranger, le concierge, ou plutôt la concierge, dans un baragouin espagnol impossible à comprendre, il faut lui rendre cette justice, me raconta l'histoire de Dantès. Rien n'y manquait, si je dois le dire, ni le corridor sans se creuser d'un cachot à l'autre, ni la mort de Faria, ni la fuite du prisonnier. Quelques pierres avaient même été tirées de la muraille pour donner plus de vraisemblance à la chose. En sortant, je donnai au concierge un certificat constatant que toute cette histoire était parfaitement conforme au roman. Mais j'avoue que j'écoutais le récit de la digne concierge avec une certaine distraction. Au moment où j'avais pris une barque sur la Canebière, la première venue, un des bateliers qui était amarré au quai, avait dit quelques mots tout bas à l'oreille de son camarade, c'est-à-dire à celui que j'avais choisi. Il s'en était suivi une réponse de la part de mon batelier, puis une transaction qui avait eu pour résultat de mettre 10 francs dans la poche du patron de ma barque. Moyennant ces 10 francs, le batelier étranger s'était établi à l'avant, avait pris un aviron de chaque main, et tandis que son confrère restait les bras croisés sur la Canebière, il avait fait force de rame vers le château d'If où, après une demi-heure de navigation, il nous avait heureusement déposés. Il était clair que le bonhomme m'avait acheté à son collègue et que le marché avait eu lieu à forfait pour 10 francs. Aussi, en mettant pied à terre, tirai-je 15 francs de ma poche, pensant que c'était le moindre bénéfice que je puisse donner à un homme qui avait estimé à 10 francs l'honneur de me conduire. Mais Lulle secoua la tête. « Non, monsieur Dumas, dit-il, ce n'est rien. »« Ah, dis-je, vous me connaissez ?»« Eh, trou de l'air, si je ne vous avais pas connu, je ne vous suis pas acheté. »« Mais raison de plus, puisque vous m'avez acheté pour que je vous rembourse au moins le prix que je vous ai coûté. »« Ah, sous ce rapport-là, je suis payé. »« Comment cela ?»« Pour le plaisir de vous avoir conduit. » Ah ça, vous croyez donc que, parce qu'on est un pauvre batelier, on est une brute? Point. Oh, oh. On vous a lu, allez, la femme vous a lu, les enfants vous ont lu. Mais mon ami, tout cela n'est pas une raison pour que vous me conduisiez gratis au château d'If. Qu'est-ce que je dis gratis? Pour que vous me donniez 10 francs pour me conduire. L'imbécile, dit-il, avec cet accent provençal qui prend une si grande expression dans la bouche d'un Marseillais. Quand je pense qu'il ne vous connaît pas. Moi, vous seriez descendu dans mon bateau, et l'on fût venu m'offrir 100 francs pour céder mon bateau, que je ne l'eusse pas cédé. Mais mon Dieu, fis-je en me grattant l'oreille, cela m'embarrasse beaucoup. Oh, il n'y a pas d'embarras là-dedans. Voilà mon bateau, la ville de Paris. Vous êtes à Marseille pour 8 jours, 15 jours, 1 mois. La ville de Paris est à votre disposition pendant tout le temps que vous resterez à Marseille. Mais pas comme aujourd'hui, pas gratis, cher ami. Gratis, au contraire. Ou sans cela, l'affaire ne se fait pas. Cependant... Ah, voilà comme je suis. Seulement, si vous êtes trop fier pour accepter, eh bien, vous ferez de la peine à un de vos meilleurs amis. Voilà tout. Je lui tendis la main. J'accepte, lui dis-je. Alors donnez vos ordres pour demain. Demain, à 11 heures, je vais déjeuner à la réserve. À 11 heures, on vous attendra. Mais ne vous gênez pas. Si ce n'est que pour midi, on vous attendra encore. On vous attendra toute la journée. Mais je vais vous ruiner, mon ami. Bah, vous ne me ferez jamais tant me perdre que vous m'avez fait gagner. Mais vous êtes notre boulanger. C'est vous qui avez cuit notre pain avec votre roman de Monte Cristo. À partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, on n'entend plus sur la canebière que cette phrase-là, avec 10 accents différents. Batelier, au château d'If. Mais si nous n'étions pas un tas d'ingrats, nous vous ferions une pension. Alors, n'en parlons plus. À demain 11 heures. À demain 11 heures. Le lendemain, 11 heures, j'étais sur la canebière. Mon homme m'attendait, je me fis conduire à la réserve, je commandai un excellent déjeuner pour deux, puis quand le déjeuner fut servi, « Faites prévenir mon batelier que je l'attends, dis-je à Isnard. » On prévint mon batelier, qui monta en tordant son chapeau entre ses doigts, mais de même que sur l'eau, j'avais été obligé d'accepter ses conditions. Sur terre, il fut forcé d'accepter les miennes. Or, ses conditions étaient qu'il se mit à table et déjeuna, ce qu'il fit du reste d'excellente grâce. Maintenant, cher lecteur, c'est à vous de m'acquitter avec ce brave homme. Si jamais vous allez à Marseille, et qu'à Marseille, il vous prenne fantaisie de faire une promenade sur l'eau, demandez le batelier de la ville de Paris. Ne lui dites pas que vous ne me connaissez, pour Dieu, il ne vous laisserait pas payer. Demandez-lui seulement si l'anecdote est vraie. Je n'avais pas vu Marseille depuis 1842. Or, depuis 1842, Marseille, grâce à nos colonies d'Afrique, grâce au commerce, qui chaque jour devient plus actif avec le Levant, grâce au port de la Joliette, grâce au quai Mirès, dont on peut rire à Paris, mais qu'il faut admirer à Marseille, Marseille compte 50 ou 60 000 habitants de plus, sans compter que la population flottante a doublé. Il est vrai qu'au contraire de la fille du phocéen Protis, qui en Grèce profite et fleurit, la fille de Sextus Calinus, la pauvre ex maigrit, pâlit, s'étiole. Le chemin de fer qui est la suite du beau discours de Lamartine a passé à Arles au lieu de passer à Aix, a achevé de tuer la pauvre ville poitrinaire. Aix, qui avait autrefois 24 000 habitants, n'en a plus que 15 000 à cette heure. Aussi Berthaud, qui est aujourd'hui secrétaire, non plus du préfet, mais de la chambre de commerce, ce qui lui vaut 18 000 francs au lieu de 100 louis, avait-il fait une proposition au conseil municipal de Marseille ? C'était d'acheter Aix. Il avait calculé que c'était une affaire de 5 à 6 millions. On achetait toutes les maisons d'Aix, on les rasait, on passait la charrue sur leur emplacement et on y plantait des oliviers. Les Aixois, sans feu ni lieu, étaient obligés de venir à Marseille. Bonne affaire pour les propriétaires auxquels tombait du ciel un surcroît de 14 000 locataires avec de l'argent tout frais en poche. En outre, la cour royale, l'académie, l'université, les archives suivaient naturellement les habitants. Marseille héritait de tout cela. Cela valait bien 6 millions. Il n'y avait rien d'énorme à faire une pareille proposition à une ville qui vient de dépenser 40 millions pour emprunter un filet d'eau à la Durance. La municipalité refusa. Les esprits sensés en sont encore à se demander pourquoi. Berthaud pense que c'est son affaire de 1831. Vous savez, la fameuse affaire de la couronne de laurier et de la perruque qui lui a fait du tort. Il pourrait bien avoir raison. Rien n'est rancunier comme un clastique. Il y a tel académicien qui ne peut pas encore pardonner au public du théâtre français le succès d'Henri III et la chute d'Arbogast. À propos, on dit qu'il est question de le reprendre. Oh, soyez tranquille. Arbogast, pas Henri III.